Les éditions de l'avenir présentent Relations des Jésuites, contenant ce qui s'est passé de plus remarquable dans les missions des Pères de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle-France. Ouvrage publié sous les auspices du gouvernement canadien. Volume 1, embrassant les années 1611-1626 et la période de 1632 à 1641. Québec. Augustin Côté, éditeur-imprimeur, près de l'archevêché, 1858. Avis de l'éditeur. Depuis l'incendie qui dévora, en 1854, le palais du Parlement à Québec, avec la riche bibliothèque des chambres législatives qu'il renfermait, quelques amis de notre histoire désespéraient de retrouver jamais réunis tous les volumes des Relations des Jésuites qui ont rapport à la Nouvelle-France. D'autres, plus confiants, croyaient qu'un sentiment de patriotisme finirait par engager quelque éditeur à réédifier ce monument historique de nos ancêtres. C'est à la sollicitation d'un grand nombre d'entre eux que nous avons entrepris de publier une nouvelle édition d'un ouvrage aussi considérable. Qu'il nous soit permis de dire que nous n'avons pas pu accomplir notre tâche sans rencontrer d'assez grandes difficultés. Car, afin de rendre cette édition complète, nous avons voulu qu'elle renfermât non seulement la collection qui était à la bibliothèque du Parlement, mais aussi les relations des années 1611 et 1626 qui n'y étaient pas. Bien qu'au moment de voir notre tâche accomplie, nous sentions un peu d'orgueil, sans doute légitime, se mêler au sentiment de satisfaction que nous éprouvions depuis le jour où le gouvernement canadien nous avait promis de protéger généreusement cette œuvre importante, nous croirions manquer au devoir de la justice et de la reconnaissance si nous ne disions hautement combien notre travail nous a été rendu facile grâce à l'empressement qu'ont mis les possesseurs de manuscrits et d'exemplaires de l'ancienne édition cramoisie à nous prêter leurs richesses. De ce nombre se trouve M. l'abbé Plante, chapelain des dames hospitalières de l'Hôpital général de Québec qui, à force de patience et de sacrifices, a réuni la plus nombreuse collection des relations dans l'Amérique britannique, le séminaire de Québec, M. l'abbé Bois, curé de Masquinongé, à l'obligeance et au dévouement duquel nous devons de posséder plusieurs manuscrits copiés par son ordre à l'étranger, et M. l'abbé Ferland, attaché à l'archevêché de Québec, qui a profité de son voyage à Paris pour nous procurer des volumes très rares. Ainsi, de nos jours comme autrefois, ce sont les établissements religieux du Canada et les ecclésiastiques qui sont les dépositaires de nos trésors historiques et qui conservent le plus religieusement, pour les temps opportuns, les monuments de nos gloires. Nous n'oublierons pas non plus ce que nous devons à M. G. B. Faribault, qui a eu la douleur de voir réduire en cendres cette bibliothèque américaine formée par lui pièce à pièce et avec tant d'amour. À M. Henri de Courcy, à M. Jean-Marie Shea, historien américain, à M. Francis Parkman, homme de lettres de Boston, et à la Bibliothèque impériale de Paris. À ce tribut de remerciements, nous devons ajouter ceux que méritent messieurs les abbés Plante, Ferland, et plus particulièrement M. l'abbé Laverdière, professeur au séminaire de Québec. Plein de dévouement pour cette entreprise que l'on peut appeler « nationale », pendant des années, ils ont consacré leur loisir à la lecture des épreuves afin de rétablir l'ancien texte avec un scrupule qui, par respect pour les antiquaires, est allé jusqu'à reproduire fidèlement les fautes mêmes des vieilles éditions. Notice biographique. Les premiers colons français avaient à peine commencé à défricher les collines qui couronnaient le bassin de Port-Royal que deux missionnaires de la Compagnie de Jésus vinrent partager leurs fatigues, bénir leurs travaux et annoncer aux nations sauvages de la Nouvelle-France les consolantes vérités de l'Évangile. Dès l'année 1611, vers la mi-juin, les pères Pierre Biard et Aymon Mas arrivèrent en Acadie. Quelques années plus tard, en 1625, trois autres pères de la même compagnie, avec deux frères coadjuteurs, débarquaient au pied du rocher où Champlain avait fixé son habitation et venait seconder les efforts des pères écolais qui cultivaient depuis 10 ans la naissante Église de Québec. De nouveaux ouvriers, de nouveaux apôtres vinrent, l'année suivante, augmenter le nombre de ces zélés missionnaires. 10 ans leur suffirent pour évangéliser les peuplades idolâtres répandues dans les immenses forêts qui s'étendaient depuis le golfe Saint-Laurent jusqu'au lac Supérieur et depuis le rivage de la Nouvelle-Angleterre jusqu'au territoire glacé de la baie d'Hudson. Le sauvage ne connaissait encore d'autres Européens que l'avide traiteur et l'aventurière armée, toujours prêts à l'opprimer ou à le chasser de ses terres. Il fut frappé de la douceur et du désintéressement, autant que du zèle de ses robes noires, qui venaient de si loin lui apprendre le prix de son âme, lui montrer le chemin d'une vie plus heureuse, sans autre motif que celui d'une charité plus qu'humaine. Déposant petit à petit ses premiers sentiments de défiance et de crainte, ils prêtent bientôt une oreille plus attentive aux paroles de paix et de consolation qui tombent de leur bouche. C'est alors que le missionnaire de la Nouvelle-France commence son œuvre sublime de salut et de régénération, n'épargnant ni les sueurs, ni les travaux, ni les marches pénibles, ni les jeûnes, ni les veilles. Tantôt, luttant contre le cours impétueux des fleuves et des rivières, il rame sans relâche jusqu'à ce qu'un rapide ou un portage le force à prendre sur ses épaules le frêle esquif qui vient de le porter. Et tantôt, à la suite de nombreux parties de chasse, à travers d'épaisses forêts, au milieu des neiges et des frimas, il marche les journées entières sans repos, souvent sans nourriture. Pendant que le sauvage poursuit les bêtes fauves, il court lui-même à la poursuite de ses âmes dégradées, mais racheté au prix du sang de Jésus-Christ. Et lorsque l'obscurité de la nuit contraint le chasseur d'interrompre sa course, le missionnaire récite son bréviaire à la lueur du brasier, puis retrace sur une écorce et raconte à son supérieur ses voyages, ses travaux, ses épreuves et ses succès. Faut-il s'étonner si ces relations ont un charme qui fait oublier les longueurs et les redites? Ici, il vous explique l'origine du nom que porte encore ce lac, cette rivière, cette pointe, cette île. Là, vous êtes témoin des cérémonies bizarres et mystérieuses dont les jongleurs enveloppent les secrets de leur science divinatoire. Ailleurs, vous assistez avec lui au conseil des capitaines, où vous vous surprenez à admirer l'éloquence naïve et sans fard de ces orateurs qui ne connaissent d'autre rhétorique que celle de la raison et du bon sens. Et quand vous aurez ainsi contemplé la nature dans sa simplicité primitive, il vous peindra, avec les traits les plus charmants, les admirables effets de la doctrine vivifiante et régénératrice qui sait faire de ces hommes barbares de vrais modèles de douceur et de générosité. Voilà pourquoi les relations des jésuites sont également propres à ranimer la foi dans le cœur du vrai chrétien et à guider la marche de l'historien à travers ces époques si peu connues de notre histoire. Comme ses pères, dit Charlevoix, étaient répandus dans toutes les nations avec qui les Français étaient en commerce et que leur mission les obligeait d'entrer dans toutes les affaires de la colonie, on peut dire que leur mémoire en renfermait une histoire fort détaillée. Il n'y a pas même d'autres sources où l'on puisse puiser pour être instruit de la religion parmi les sauvages et pour connaître ces peuples dont ils parlaient toutes les langues. Le style de ces relations est extrêmement simple, mais cette simplicité même n'a pas moins contribué à leur donner un grand cours qu'à les choses curieuses et édifiantes dont elles sont remplies. Nous ne pouvons résister au désir de donner ici une courte notice biographique sur les missionnaires qui ont contribué à la formation de cette série de mémoires intéressantes connues sous le nom de « Relations des Jésuites ». Ces quelques remarques sont le résumé d'un opuscule anglais du docteur O'Callaghan sur ce sujet, et nous avons été heureux de pouvoir profiter des notes judicieuses de son traducteur. Pierre Biard, natif de Grenoble, arriva à Port-Royal le 12 juin 1611 avec le père Aymon Mas, prêcha l'évangile au Canibat et prit part à l'établissement du fort Saint-Sauveur en 1613. Là, il fut pris par les Anglais et reconduit en France où il mourut en 1622. Nous avons de lui une relation de son voyage et de ce qui s'est passé sous ses yeux en Acadie. Charles Lallemand, qui avait suivi M. de La Saussaye à Pentagouet, fut un des trois pères qui arrivèrent à Québec en 1625. Il traversa quatre fois la mer dans l'intérêt de sa chère mission du Canada et il fit deux fois naufrage. Après que l'Angleterre eut remis le pays à la France, il prit soin, en 1635, de la résidence de Notre-Dame de Recouvrance à Québec et commença les premières écoles pour les enfants français. Ce fut ce père qui assista Champlain à ses derniers moments. Le Mercure français de 1626 a publié sous la date du 1er août de la même année une lettre du père C. Lallemand, dans laquelle ce missionnaire donne une notice courte, mais exacte, du pays et des premiers travaux des jésuites en Canada. Paul le Jeune peut être regardé comme le père des missions des jésuites en ce pays, quoiqu'il n'y soit venu qu'en 1632, après la restitution de Québec à la France. Il avait toujours nourri dans son cœur le désir de venir évangéliser les sauvages du Canada, et les entretiens qu'il avait eus à la Flèche avec le père Masse, qui avait été pris en Acadie par les Anglais, ne contribuèrent pas peu à exciter son ardeur. Aussitôt après la confirmation du traité de Saint-Germain, il partit de Honfleur avec le père Anne de Noue et arriva à Québec le 5 juillet 1632. En peu de temps, il acquit une si parfaite connaissance de la langue montagnaise qu'il put écrire en sauvage un catéchisme pour ses néophytes. En 1634, il établit une résidence aux Trois-Rivières. C'est lui qui, en 1635, fut l'oraison funèbre de Champlain. Après avoir rempli la charge de supérieur jusqu'en 1639, il travailla encore 10 ans parmi les sauvages. En 1649, il fut rappelé en France et établi procureur des missions étrangères. Le père le Jeune a écrit la relation de 1632 et les 8 suivantes. Barthélemy Vimont, condisciple du père le Jeune, montra comme lui un grand désir de se consacrer aux missions sauvages. Le vaisseau qui l'amenait au Canada, en 1629, ayant, chemin faisant, chassé les Anglais établis au Cap-Breton, le capitaine lui confia la garnison qu'il y laissa. De père Vimont retournant en France l'année suivante, il ne revint qu'en 1639 à Québec, où il travailla jusqu'en 1659, époque où il retourna en France. Il fut supérieur depuis 1639 jusqu'en 1644 et écrivit 6 volumes des relations pendant qu'il était en charge. Jérôme Lallemand, frère de Charles et oncle du père Gabriel Lallemand, qui fut martyrisé avec le père de Brébeuf par les Iroquois, alla en 1638 chez les Hurons, où il demeura jusqu'en 1645. Il avait été nommé supérieur l'année précédente, mais la lettre avait été interceptée par les Iroquois. En 1650, après la destruction de la nation huronne, il passa en France pour représenter à la Compagnie des Sans-Associés les besoins urgents de la colonie et des missions, et revint l'année suivante avec le père de Lauzon. En 1656, il fut nommé recteur du Collège de la Flèche et, 3 ans après, il obtint la permission de revenir auprès de ses chers néophytes. Il accompagna Monseigneur de Laval en 1659 et fut encore nommé supérieur des missions du Canada. Il mourut dans ce pays le 26 janvier 1673, à l'âge de 80 ans, avec la réputation d'un théologien habile et profond. Nous lui devons 3 volumes des Relations, outre 5 autres sur le pays des Hurons. Paul Raguenaud, après avoir reçu la prêtrise, avait demandé à ses supérieurs qu'on l'envoyât dans quelques missions sauvages. Il arriva en Canada en 1636 et monta au pays des Hurons dès l'année suivante. Ce fut le père Raguenaud qui, en 1650, conduisit à Québec les misérables restes de la nation huronne qui avaient échappé au massacre des Iroquois. Cette même année, il succéda au père Lallemand et fut lui-même remplacé en 1653 par le père Lemercier. Après avoir travaillé encore plusieurs années à la conversion des Hurons et des Iroquois, il repassa en France en 1666 et mourut à Paris le 3 septembre 1680, âgé de 75 ans. Aucun missionnaire, peut-être, ne contribua davantage au progrès du christianisme en Canada, il ne mérita mieux le titre d'apôtre. Il a écrit des relations de 1649, 1650, 1651 et 1652. Jean le Brébeuf, d'une famille noble de Normandie, fut du nombre des 5 premiers missionnaires jésuites qui vinrent avec Champlain en 1625. Après avoir passé l'hiver suivant chez les Montagnais, il fut envoyé en 1626 chez les Hurons, dont il fut le premier missionnaire jésuite. La prise du pays par les Anglais interrompit sa mission. Mais le Canada ayant été restitué à la France, il se rendit une seconde fois, en 1634, sur le théâtre de ses premiers travaux. Au printemps de l'année 1649, les Iroquois, s'étant emparés de la bourgade de Saint-Louis, où ils travaillaient avec le père Gabriel Lallemand, emmenèrent prisonniers les deux missionnaires et leur firent souffrir le plus cruel martyre. Le père de Brébeuf était alors âgé de 56 ans. Il n'a écrit que deux relations sur les Hurons. François-Joseph Le Mercier, qui vint en Canada en 1635, fut supérieur après le père Raguenaud de 1653 à 1656 et accompagna le capitaine Dupuis chez les Onontagués où il prêcha l'Évangile. Après avoir été 3 ans à la mission des Trois-Rivières, il redevint supérieur pour la seconde fois en 1665 et remplit cette charge jusqu'en 1670. Les 6 volumes des relations que nous avons de lui sont intéressants surtout par les détails qu'il renferme sur les pays de l'Ouest. Jean de Caen accompagna le père Le Mercier au Canada en 1635. Il fut d'abord chargé de l'instruction des enfants à Québec. En 1652, remontant le Saguenay, il découvrit le lac Saint-Jean, appelé en sauvage Pacquagami. Il mourut à Québec en 1659, victime de son zèle dans une épidémie. Il avait succédé au père Le Mercier en 1656. Il écrivit la relation de 1656 qui renferme des détails intéressants sur le pays des Iroquois. Claude Dablon, arrivé au Canada en 1655, fut envoyé cette même année à Onontagué. En 1668, il se rendit avec le père Marquette à la mission du Saint-Esprit sur le lac supérieur. Ensuite, il établit celle du Sault-Sainte-Marie. Il envoya en Europe les 2 dernières relations de 1671 et de 1672 qui renferment, sur les pays situés à l'ouest et au nord de Québec, des détails d'une grande importance.